Section 8 de La Fée des Grèves par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehan. Chapitre 22, 23, 24. Chapitre 22, Frère Bruno. Quand Aubry eut un peu lâché prise, Méloire avala une lampédère avec une satisfaction manifeste. « Tu as un bon poignet, mon cousin, » dit-il, « et moi je suis un sot. Ta rubrique vaut beaucoup mieux que la mienne, voilà tout. Il n'y a pas de quoi se fâcher pour cela. » « Écoute, Méloire, » lui répondit le jeune homme d'armes, « tu étais un brave soldat autrefois et un bon compagnon. Je n'ai pas le courage de te tuer. »« Peste, » interrompit Méloire, « me tuer ? Tu n'y vas pas par quatre chemins, toi, mon cousin Aubry. » « Je le devrais pour Monsieur Hugh de Morvert et pour sa fille. »« Du tout, » interrompit encore Méloire. « Tu sais bien, je suis incapable. » La main d'Aubry s'appesantit un peu plus sur la gorge du chevalier. « Tais-toi, » dit-il rudement. « Je n'ai pas le loisir d'écouter tes billevesées. Je veux bien t'épargner, mais c'est à condition que tu ne me gêneras point dans l'accomplissement de mon dessein. »« Foi de chevalier !» s'écria Méloire. « Tu n'as qu'à scier ton barreau devant moi. Si tu veux, je te ferai la courte échelle. »« Bien obligé. Cette voie me semble désormais incommode et dangereuse. Pourquoi sortir par la fenêtre quand la porte est là ?»« Je te fais observer, mon cousin Aubry, que tu me serres le cou sans y songer. Je déteste les demi-mesures. Étrangle-moi comme il faut, morbleu, ou lâche-moi. »« Je te lâcherai dès que nous serons d'accord. »« Je ne peux pourtant pas t'ouvrir cette porte, moi !» s'écria Méloire d'un ton dolent. « Me promets-tu qu'une fois libre, tu ne tenteras contre moi aucune résistance ?»« Je le promets. Me promets-tu que tu te laisseras lier les mains et les jambes ?»« À quoi bon, mon cousin ?» Et mettre un bâillon sur la bouche, acheva Aubry, dont les doigts firent un petit mouvement. « Je le promets, je le promets, je le promets !» dit Méloire précipitamment. « T'engages-tu à me céder ton armure pour que je m'en revête sous tes yeux ?»« Mon armure ?» Depuis les éperonnières jusqu'à la salade. « Ah, cousin Aubry, mon cousin Aubry !» grommela le pauvre chevalier. « Je ne t'aurais jamais cru si madré que cela. »« T'y engages-tu ? » ?»« Je m'y engage. » »« Sous serment ? » ?»« Sous serment. » »« À la bonne heure. Relève-toi donc et tiens ta parole comme un gentilhomme. » Pour ce qui était de se relever, Méloire ne se le fit point dire deux fois. Quant à tenir sa parole, peut-être aurait-il trouvé quelque exception, comme on dit au palais, s'il n'avait pas vu sa bonne épée toute nue entre les mains d'Aubry. Sa dague restait bien encore au fourreau, mais Aubry de Kergariou était un fier homme d'armes. L'attaquer avec une dague, quand il avait l'épée à la main, c'eût été folie. Méloire se secoua, s'étira, se tâta. « Allons, dit Aubry, en besogne !» Méloire fit un pas vers lui. Aubry lui mit sans façon la pointe de l'épée entre les deux yeux. « À distance, » dit-il, « les bons comptes font les bons amis. Ne m'approche pas ou je te pique. »« Tu as donc défiance ?»« J'ai hâte, en besogne. J'y suis, mon cousin Aubry, j'y suis. » Méloire se mit en effet à délacer son armure. Il n'avait que les pièces légères et non point la carapace en fer que le XVe siècle portait encore au combat. Son équipement consistait en éperonnières d'acier vissées aux cuissards de gros buffles, corselets de maille, manches de buffle, salade sans visière, à plumaille. Aubry le suivait de l'œil. Quand Méloire eut achevé de se désarmer, ne gardant que ses chausses et son juste au corps, Aubry prit sous la paille de son lit une corde qui devait lui servir dans son évasion projetée. « Donne tes poignets, » commanda-t-il. « Attends au moins que tu sois armé. » Aubry eut un sourire. « Je m'armerai quand tu seras lié, » répliqua-t-il. « Donne tes poignets. » Méloire obéit enfin, mais bien à contre-cœur. Ce bon chevalier avait espéré véritablement rétablir sa partie pendant qu'Aubry ferait sa toilette. Il grommela, en tendant ses poignets. « Qui diable aurait pensé que ce petit homme-là pût jouer si serré ?»« Voilà, » dit Aubry, qui avait fait un beau nœud. « Je te tiens quitte des pieds. » « Assieds-toi maintenant à ma place et réfléchis, si tu veux, aux vicissitudes du sort. » Méloire s'assit. Il avait beaucoup l'air d'un renard qu'une poule aurait pris. En un clin d'œil, Aubry fut armé de pied en cap. « Suis-je bien comme cela ? » demanda-t-il. « Sarpebleu ! » s'écria Méloire en colère. « Ne faut-il encore que je te serve de miroir ? » ?»« Allons, allons, ne te fâche pas, cousin Méloire. Une fois ou l'autre, je te rendrai tes armes. À présent, nous n'avons plus que le bâillon à mettre. » Il était trop tard pour faire résistance, mais Loire se laissa bâillonner. Mais il ne restait plus trace de son excellent caractère. Il roulait dans sa tête de féroces pensées de vengeance. Aubry lui souhaita courtoisement le bonjour et donna du gantelet dans la porte. Il frappait à tour de bras, se souvenant que le bon frère Bruno avait dit « Je vais à Matine ». Mais il paraît que le bon frère Bruno s'était ravisé, car au premier coup la porte s'ouvrit. Aubry ne put s'empêcher de faire un pas en arrière. Il était là, pensa-t-il, il a dû tout entendre. Et comme au même instant, Méloir se leva brusquement, poussant des cris inarticulés sous son bâillon, Aubry se vit perdu. « Qu'a donc ce maître fou ? » s'écria cependant le bon frère Bruno. « Sire chevalier, donnez-lui du plat de votre épée entre les deux épaules. » Méloir s'était élancé vers la porte. Il cherchait à mettre son visage en lumière et à se faire reconnaître du moine convert. Mais celui-ci, se tournant vers Aubry, « Je n'ai jamais vu le prisonnier comme cela, » dit-il. « Vous l'aurez donc fait boire, sire chevalier ? » En l'an 39, nous avions un captif du nom de Thomas Grèveleur, qui devint maniaque dans ce même cachot. J'ai envie de vous conter son histoire. Figurez-vous que ce Thomas Grèveleur... » Mais Loire se démenait furieusement. « Sortons !» dit Aubry, qui était tout pâle, et qui s'étonnait que la méprise du frère pût se prolonger ainsi. Le bon Bruno fit retraite aussitôt, et comme Méloir s'attachait à lui, le bon Bruno ne crut pouvoir moins faire que de communiquer à ce prisonnier récalcitrant un coup de poing paternel. C'était un digne poignet que celui du bon moine. La poitrine de Méloir sonna comme un tambour, il chancela et tomba sur la paille. « Voir, dit Bruno indigné, ce n'est pas ma besogne que de caresser les fous. Je m'en suis fait mal à la deuxième phalange du doigt anularius. » Aubry avait passé le seuil. Bruno le suivit, parlant toujours et grondant de plus belle. Il ferma la porte avec soin. Cela fait, il se prit les côtes à deux mains et regarda Aubry en éclatant de rire. Aubry ne savait que penser. « Oh, oh, oh !» disait le frère Bruno, dont les yeux se remplissaient de larmes. « J'en mourrai, messire Aubry, j'en mourrai. Voilà une histoire, Seigneur Dieu, une histoire comme on n'en a jamais racontée. Vous m'aviez donc reconnu ?» balbutia Aubry déconcerté. « Bon Jésus, pensez-vous que j'ai la berlue ? Oh, oh, les côtes, il s'est déshabillé de lui-même. Ah, il a été bien obéissant. Ah ça, est-ce que vous le voyez ? Le trou de la serrure, donc, messire Aubry. Je le voyais comme je vous ai vu toute la journée d'hier, limer votre barreau, et j'avais bonne envie de vous apporter une escabelle pour tenir vos pieds, car vous deviez fatiguer dans cette position-là. » Aubry le regardait et bobit. « Eh bien, mon jeune seigneur, reprit Bruno, quand vous m'aurez regardé avec des yeux d'une toise, j'aime les bonnes histoires, moi, et je raconterai encore celle-là dans 20 ans si je vis. D'ailleurs, vous savez bien, j'étais un soldat entier, vertu bleu, avant d'être une moitié de moine. Le vieux Morvais m'a gagné le cœur en venant jusqu'ici rabattre l'orgueil d'un meurtrier. Vous m'avez gagné le cœur, vous, en brisant votre épée, pour ne la point déshonorer. Et ce coquin de Méloir, au contraire, m'échauffa les oreilles quand il fit le chien couchant ce jour-là. Or, tout ceci me rappelle une assez gaillarde histoire qui se passa en l'an 28, derrière Bélem, en Normandie. « Mon bon frère Bruno, interrompit Aubry, le plus pressé est que je sorte de l'enceinte du monastère. Vous me conterez votre histoire dehors. Je puis vous la conter en chemin, messire Aubry. » C'était le chevalier Poton de Xantrailles qui voulait entrer dans Bélem de nuit malgré l'anglais. Durham était dans Bélem avec 400 archers du Nord qui auraient tué une alouette à 50 toises. Aubry serra tout à coup le bras du frère convert. Ils étaient sortis du corridor et débouchaient dans le cloître, où quantité de moines se promenaient. Bruno changea de ton soudain. « Oui, sire chevalier, » dit-il, avec toutes les apparences d'un respect profond. « Les trois cachots se font suite l'un à l'autre et sont creusés dans le roc vif. Don Nicolas Famigo, 24e abbé du Saint-Monastère, fit en outre redorer la statue tournante de Saint-Michel-Archange, qui est au sommet du campanile. Son décès eut lieu le 19e jour de mars, en l'an 1272, et le cartulaire rapporte « Le cloître était traversé. »« Du diable, si je sais ce que rapporte le cartulaire, messire Aubry, reprit Bruno. Le cartulaire ne contient point de bonnes aventures comme celles dont j'ai été témoin aujourd'hui. Ah ! Laissez-moi rire encore un petit peu, je vous en prie. Quelle figure il avait, ce Mélois, et ses regards piteux. Ah ! Ah ! Ah ! Et maintenant, je donnerais bien 2 ou 3 deniers pour savoir quelle vie il mène tout seul dans votre cachot. » Aubry ne pouvait partager l'expansive hilarité du frère servant. Son casque n'avait pas de visière. Méloir avait dû amener quelques suites avec lui au couvent. Aubry craignait de rencontrer des hommes d'armes sur son passage et d'être reconnu. Mais Bruno avait contre sa crainte des arguments sans réplique. « Les soudards, disait-il. Ah ah ah, je les ai vus. Ce sont d'assez bonderies. C'est moi qui les ai menés au réfectoire des laïcs. Ils y sont entrés sur leurs jambes, mais il faudra les en tirer sur des civières, oui bien. Ah ah, j'ai été soldat et je fais pénitence. » Frère Bruno passa sa langue sur ses lèvres, ému au souvenir de quelque bonne aventure. Ils descendirent le grand escalier, traversèrent la salle des chevaliers, le réfectoire des moines, et arrivèrent au seuil de la salle des gardes. La tête haute, dit frère Bruno, qui était un observateur, l'air insolent, le poing sur la hanche, c'est comme cela que marche le Méloir. Les gardes firent avec respect le salut des armes. La porte extérieure s'ouvrit. « Je suis chargé, dit le moine servant au portier, de montrer la chapelle Saint-Aubert au digne chevalier Méloir. Que Dieu vous accompagne, souhaita le frère Tourier. » Et ils passèrent. Aubry respira bruyamment. Le frère Bruno était aussi content de lui. « Maintenant, reprit-il, où allez-vous, mon jeune seigneur ?»« Je ne puis vous le dire, répliqua Aubry. « Ah, si fait, s'écria Bruno, puisque je vais avec vous. »« Comment ? Vous venez avec moi ?»« Je vous suis au bout du monde. »« Mais votre habit, mon frère ?»« Je n'ai pas fait de vœux, messire Aubry, je vous l'ai dit. Je ne suis qu'une moitié de moine, et je ne me soucie pas beaucoup de vous remplacer dans le cachot creusé par don Nicolas Famigo, 24e abbé du Mont-Saint-Michel, bien que ce soit un fort bel ouvrage. Vous croyez qu'on vous rendrait responsable ? Le chevalier Méloir parlerait du coup de poing. Un beau coup de poing, messire, avez-vous vu ? Et ce soir, je coucherai sur la paille. À ce sujet-là, je sais une histoire qui va véritablement vous bien divertir. Du moins, je l'espère. C'était en l'an... Attendez donc, l'année m'échappe, mais c'était bien sûr avant l'an 40, puisque j'avais encore mes 3 dents de devant, qui me furent cassées d'un méchant coup de masse d'armes sous Hennebon. Et celui qui me gâta ainsi la mâchoire en mourut. Il arriva que le sire de Vilaine, qui tenait la seigneurie de Landévent... Mon frère Bruno, interrompit Aubry, je vais en un lieu où je n'ai pas le droit de vous emmener. Tournez ici, messire Aubry, répondit le convert. Mieux vaut entrer un peu en grève que de marcher sur ces roches diaboliques qui eussent en 2 jours de temps la meilleure paire de sandales. Comme ça, vous ne voulez pas de mon histoire. C'est bon, messire Aubry. Quant au lieu où vous allez, si vous ne m'y menez pas, moi je vous y mènerai. Vous sauriez ? Croyez-vous que le 3e carreau de mon compagnon Alain, l'archer, qui veillait sur la plateforme il y a 2 nuits, n'aurait pas mieux touché but que les 2 premiers ? Mon compagnon Alain n'a jamais manqué 3 coups de suite en sa vie. Et Dieu merci, on voyait la jeune fille au clair de lune comme je vous vois, messire Aubry. Heureusement, j'avais écouté au trou de la serrure pendant que vous causiez avec elle. « Ah ça, tu es un diable, toi !» s'écria le jeune homme d'armes, moitié riant, moitié fâché. « Plaignez-vous ! » Je saisis le bras d'Alain, mon compagnon, et je lui dis « Voici un gobelet de vin que Saint-Michel-Archange envoie à son fidèle gardien. » Et maître Alain de relever son arbalète pour prendre la tasse. La tasse était profonde. Quand Alain, mon compagnon, lui retournait, la demoiselle reine de Morvert était à l'abri derrière l'angle de la muraille. Aubry lui prit la main et la serra vivement. Frère Bruno s'arrêta et releva les manches larges de son froc. « Regardez-moi ça, » dit-il en montrant des bras d'athlète. « Quand les soudards de Méloir viendront chercher le vieux Hugues de Morvert là-bas, à Tomblaine, ces bras-là pourront leur faire encore bien du chagrin. Je tiens joliment une épée, et quand je n'ai pas d'épée, j'aime assez un gourdin. Et quand je n'ai pas de gourdin, tenez, je m'en tire comme je peux. » Il avait saisi à 2 mains une grosse roche qu'il balança un instant au-dessus de sa tête. La roche partit comme s'il eût été lancé par une machine de guerre et s'en alla briser un poteau planté dans le sable à 30 pas de là. Frère Bruno sourit bonnement. « Supposez le Méloir en place du poteau, dit-il, ça lui aurait bien sûr ôté l'appétit pour longtemps. « Mais dites-moi, mon jeune seigneur, reprit-il soudainement, avez-vous jamais ouï conter l'aventure de Joson Drelin, bedeau de la paroisse de Saint-Jouan des Guérets ? » Chapitre 23. Comment Joson Drelin but la rivière de Rance. Tout en parlant, Aubry de Kergariou et frère Bruno avaient fait le tour du mont. Ils se trouvaient à peu près en face de Tomblaine. Aubry réfléchissait, Bruno racontait. « Joson Drelin, disait-il, en son vivant bedeau de la paroisse de Saint-Jouan des Guérets, était un vrai compère qui se connaissait en cidre, comme le pauvre M. Gilles de Bretagne, dont Dieu et l'âme se connaissaient en vin de France. Et après tout, messire Aubry, se connaître en rubis gascon est le fait d'un chevalier, comme se connaître en jus de pomme est le fait d'un bedeau. C'est moi qui dis cela, sauf le respect d'un chacun et la révérence parlée. Donc au baptême des cloches de Saint-Jouan des Guérets, en l'an 43 ou 4, car la mémoire n'y est plus, ah dame, je n'ai plus 25 ans, non, ni 30 non plus. Être et avoir été, ça fait deux. Je disais donc qu'en l'an 43 ou 4, Joson Drelin sonna tant qu'il but beaucoup. S'il sonna tant, c'est que le sonneur était malade. S'il but beaucoup, c'est qu'il avait grand soif, pas vrai? M'écoutez-vous, messire Aubry? Aubry ne répondit point. Il pressait le pas, car il avait grande hâte de voir ce qu'il aimait. Et après tout, il ne pouvait pas renvoyer ce brave homme qui s'était compromis pour le sauver. Pourtant, introduire un étranger dans la retraite du proscrit, Aubry hésitait parfois. « C'est bon, je vois bien que vous m'écoutez cette fois, » continuait le bon frère servant, qui suait, qui soufflait, qui bavardait tant qu'il pouvait. Et ça ne m'étonne point, l'histoire étant agréable, quoique véridique en tout point. Pour avoir bu beaucoup, il advint qu'un soir Joson Drelin se trouva un peu ivre. Sa ménagère lui dit « Couche-toi, Joson, mon bonhomme, comme ça tu seras sûr de ne point battre et de n'être point battu. » Joson Drelin, justement, n'avait pas sommeil. « Hola, dit-il, la femme, donne-moi la paix ou je vais reboire. »« Reboire, tu n'avalerais pas seulement plein mondé de cidre tant tu es rond, mon pauvre bonhomme Joson. » Quant à cela, chacun sait bien que les femmes sont sur la terre pour nous pêcher. Défier un homme de boire, avez-vous vu chose pareille ? Joson Drelin, ainsi tenté par le démon de son chez-soi, prit la rage. Il appela des métayers qui passaient sur le chemin et leur dit « Eh, les chrétiens, voulez-vous voir un homme boire toute l'eau de la rivière de Rance ?» Les métayers s'approchèrent. « Voilà ce que c'est, reprit Joson Drelin. Mes vrais amis, écoutez-moi bien. La femme dit que je ne boirai pas plein un dé de cidre, et moi je parie boire toute l'eau qui présentement coule en rivière de Rance, de Plouer jusqu'à Saint-Suliac. » Les métayers haussèrent les épaules. L'un d'eux avait un sac de cuir plein de pièces d'argent, parce qu'il avait vendu ses vaches au marché de Châteauneuf. Joson Drelin lui dit « Ton argent contre ma maison !» Qui poussa les hauts cris, ce fut la ménagère. Mais l'homme au sac de cuir regarda la maison qui était bonne, et répondit bien vite « Top, ta maison contre mon argent !» Les autres métayers dirent « C'est topé la main dans la main, qui renie est un faillicoc !» Au fait, s'écria Aubry, répondant à ses propres réflexions, « un brave soldat de plus dans la bagarre, c'est quelquefois le salut !»« Oh, sur ma foi, messire Aubry !» repartit Bruno. « Joson Drelin et tes bedeaux n'ont point soldat du tout, je vous l'assure. Allons, marchons ferme, frère Bruno. » La mer monte, et il nous faut passer à Tomblaine. Je sais bien, messire, je sais bien. Mais vous n'avez donc pas fantaisie de connaître comment fit Joson Drelin pour boire toute l'eau qui coulait en rivière de Rance, depuis Plouer jusqu'à Saint-Suliac? C'est pourtant là le merveilleux de l'histoire. Et je me souviens que le frère Pacôme, second sommelier du temps de l'abbé Défunt, oh, oh, mais c'est ce frère Pacôme qui eut une bonne aventure en l'an 37. Figurez-vous que la veille de Noël, il était allé quérir le vin des trois messes. Allons, disait Aubry, qui voyait venir la mer, pressons le pas. Saint-Sauveur, je vais pourtant de mon mieux. Frère Pacôme se trouvait être sourd d'une oreille depuis l'an 28, qu'il avait été piqué d'un insecte malfaisant dans les blés normands. En allant chercher le vin des trois messes, il rencontra maître Olivier Chouesnel, syndic des possiers et mégisseur de la ville d'Avranches. « Savez-vous comment il s'était marié, ce maître Olivier Chouesnel ?»« Oh, mais il ne s'agit pas de maître Olivier Chouesnel. Revenons à frère Pacôme. C'est-à-dire, finissons auparavant afin de procéder par ordre, l'histoire de Joson Drelin, Bedeau de Saint-Jouan des Guérets. Les autres viendront ensuite à leur tour. Une belle paroisse, messire Aubry, où j'ai connu un vicaire qui se nommait Mélin Moreau et qui fatiguait bellement les chantres au lutrin quand il voulait. Son frère cadet vendait du lard au pré-beauté de Rennes, du lard et des œufs cuits, durs, saindoux, savon, fromage et beurre assaisonné. Il mourut des coups que lui avait donnés sa troisième femme. Oh, la maîtresse femme ! L'année qu'il trépassa, je me souviens que le feu prit en l'église Saint-Sulpice à Fougères, et que mon oncle Mathieu, albardier de la Chanoirie, eut la jambe cassée par un cheval fou. Donc, Joson Drelin était bien empêché quand il fallut tenir sa gageure de boire la rivière. Sa ménagère se lamentait et pleurait, disant « Que Dieu ait pitié de nos vieux jours, nous voilà sans maison et sur la paille !» Frère Bruno en était là de son récit, lorsque Aubry le saisit rudement par les épaules et le poussa en avant. La mère arrivait dans le lit du ruisseau qui sépare les deux monts, et frère Bruno avait déjà de l'eau jusqu'au mollet. Or, dans ces sables, quand on a de l'eau jusqu'au mollet, la tête y passe souvent. Frère Bruno se mit à rire quand il fut à pied sec. « Messire Aubry, dit-il, je vous rends grâce. Voilà ce que c'est que de bavarder. Je ne regardais pas mon chemin. » Cela me rappelle l'histoire du vieux Martin de Saint-Jacques, qui fut noyé en chantant ma merloie. Donc, la femme de Joson Drelin, « Morbleu, mon frère !» s'écria Aubry. « Nous allons nous fâcher si vous ne laissez là une bonne fois Joson Drelin et sa femme. » Bruno le regarda stupéfait. « L'histoire ne vous plaît pas, messire » dit-il. « C'est surprenant. Mais des goûts, il ne faut point discuter. Je vais alors vous achever l'aventure de Pacôme, second sommelier de l'abbé Défunt. Ni cette aventure ni d'autre, mon frère. Avalez votre langue et mettez vos jambes au trot, car la mer va nous entourer. « Oh !» répliqua le moine servant, « j'aurai toujours bien le temps de vous conter ce qui advint à maître Olivier Choisnel, syndic des possiers et mégisseurs de la ville d'Avranches, le jour de ses noces. Un mot de plus et je vous laisse là, mon frère. Bon, bon, messire Aubry, ne vous fâchez pas. Je ne compte mes anecdotes qu'à ceux qui me les demandent. Et encore, bien souvent, je me fais prier, témoin ce qui m'arriva en l'an 45 au pardon de Noyal-sur-Sèche. » Aubry n'en voulut point entendre davantage. Il prit sa course et le frère Bruno resta seul dans l'étang. « Oh, oh » fit-il, « pareille chose m'advint en Basse-Bretagne avant la guerre. Je voulus raconter l'histoire du meunier Rouen qui vendit son âme au malin pour une paire de meules, mais... « Oh, oh » fit-il encore en sautant. « Voici la mer pour tout de bon !» Cette fois, il n'entama aucune histoire et prit ses jambes à son cou. La forteresse que les Anglais avaient construite au mont Tombelaine était considérable et pouvait contenir nombreuses garnisons. En partant, quelques mois avant les événements que nous mettons sous les yeux du lecteur, Knoll ou Kernoll, le lieutenant de Bimbroc, qui était resté le dernier à Tombelaine, avec 100 ou 150 hommes d'armes, fit sauter les ouvrages de défense, rasa le château et mit le mont à nu. Il ne restait debout que la partie occidentale des murailles, flanquée par la tour démantelée où nous avons vu M. Hugh de Morvert dormir, son épée entre les jambes. Ces murailles, la tour, une courtine élevée de plusieurs pieds au-dessus du sol, et le bâtiment intérieur dans le rez-de-chaussée n'avaient été démolis qu'en partie, formaient encore une retraite assez vaste qu'il était très facile de clore et de mettre à l'abri d'un coup de main, surtout à cause de cette circonstance que le reste de l'île était complètement découvert. Au moment où Aubry de Kergariou et le frère Bruno traversaient la grève, il y avait bien des yeux inquiets fixés sur eux derrière les murailles en ruine. M. Hugh de Morvert, qui était resté si longtemps seul sur le roc abandonné, avait maintenant de la compagnie, plus qu'il n'en eût voulu peut-être. Outre sa fille reine, les Le Priol et le petit Jeannin, qui étaient arrivés au milieu de la nuit, nous trouvons à Tombelaine tout le village de Saint-Jean. Les 4 Gothons, les 4 Mathurins, scolastiques, les 3 Catiches, les 2 Josons et d'autres, dont nous ferions le dénombrement avec zèle si ces humbles pages étaient une épopée. Nous dirions l'âge, le poil et la généalogie de tous ces braves fils du marais, de toutes ces vierges laides ou belles, et après avoir invoqué la muse Calliope, fille de Jupiter et de Mnémosyne, patronne antique des plagiaires, nous prêterions à nos Bretons des actions grecques ou latines. mais les brouillards salés de l'armorique détendraient vite les cordes de la vieille guitare d'Apollon. Le biniou seul, avec sa poche de cuir et sa nasillarde embouchure, supporte le rhume chronique de ses contrées. Chantons au biniou. Les paysans du village de Saint-Jean-des-Grèves avaient émigré parce que leur demeure n'était plus qu'un monceau de cendres. Maître Vincent Gueffès avait payé ainsi l'hospitalité reçue. Il avait dit au soudard ivre « Le traître Morvert se cache dans une des maisons du village, j'en suis sûr. » Les soldats avaient enfoncé les portes. Quand on enfonce la porte du paysan breton, si faible qu'il soit, il frappe. Les bonnes gens avaient tapé de leur mieux. Il y avait eu la bataille, puis l'incendie, car c'était bien le village de Saint-Jean que Rennes et les Le Priol avaient vu flamber en entrant dans la grève de l'autre côté d'Ardevon. Hommes, femmes, enfants, ils étaient là une quarantaine derrière les débris de la forteresse anglaise. Comme ils se doutaient bien qu'on avait reconnu leurs traces et qu'on les relancerait, toute la nuit avait été employée au travail. Des pierres amoncelées bouchaient déjà les brèches et une nouvelle enceinte s'élevait du côté de l'intérieur. On se préparait à un siège. Le vieux Morvert ne s'occupait point de tout cela, il était dans sa tour. Rennes, assise à ses pieds, mettait sa belle tête blonde sur ses genoux. Morvert était plus heureux qu'un roi. « Rennes, disait-il, en caressant les doux cheveux de la jeune fille, j'ai cru que je ne te verrais plus. Quand ton panier a passé sous mes yeux, emporté par le courant, mon cœur est devenu froid et comme mort. Oh, que je t'aime, ma fille chérie. Pour les travaux de ma longue vie, je ne demande à Dieu qu'une récompense, ton bonheur. » Rennes couvrait ses mains de baisers. « Toi, reprenait Morvert avec mélancolie, tu m'aimes bien aussi, je le sais. Mais l'amour des jeunes gens plein d'espérance ne ressemble point à l'amour triste des vieillards. À mesure qu'on vieillit, Rennes, la tendresse se concentre et se resserre parce que les objets aimés deviennent plus rares. Ainsi, moi, j'ai perdu ma femme, qui était une sainte. J'ai perdu tes frères, qui étaient de nobles cœurs. Il ne me reste que toi. Toi, au contraire, tu prendras un mari et tu l'aimeras. Tu auras des enfants et tu les adoreras. Que restera-t-il pour ton pauvre vieux père ? Ce qui restait à votre mère tant aimée, quand vous fûtes époux et que vous devîntes père. » Une larme tomba sur la barbe blanche du chevalier. « Ma mère, murmura-t-il, Dieu m'est témoin que je l'aimais. Ô reine, pourtant ma mère est morte seule au manoir du Rose pendant que j'étais en guerre. Promets-moi que tu seras là pour me fermer les yeux. » Reine ne répondit que par des baisers plus tendres. Ça avait été une scène touchante lorsque le vieux proscrit, après 3 jours entiers d'attente, avait revu enfin sa fille, escortée par ses fidèles vassaux. Avant de la baiser, il avait mis un genou en terre pour remercier Dieu. Puis il l'avait serrée contre sa poitrine déjà creusée par la faim. Puis encore, il avait mangé avidement au milieu des Le Priol, qui avaient des larmes plein les yeux à l'idée de ce qu'avait souffert leur pauvre seigneur. Rennes le servait, lui présentant le pain et la coupe pleine. On les avait laissés seuls après le repas. Il y avait déjà longtemps qu'ils s'entretenaient ainsi. Un silence se fit. Le chevalier contemplait sa fille. Un sourire vint à sa lèvre austère. « Je suis jaloux de lui, murmura-t-il. Lui qui vous aime tant, mon père. Et crois-tu que je ne l'aime pas, moi, pour lui donner ainsi mon cher trésor ?» s'écria le proscrit qui enleva Rennes dans ses bras et la posa sur ses genoux comme un enfant. « C'est un bon soldat, c'est un cœur généreux. Je veux bien qu'il soit mon fils, mais je te le dis, ma reine bien-aimée, la vieillesse est un long supplice. Nous n'acquérons plus jamais, et toujours nous perdons jusqu'au seuil de la tombe. Voici un homme fort, jeune, heureux, souriant aux promesses que l'avenir prodigue. Le monde est à lui, que fait-il ? Il vient demander au vieillard dépossédé une part de son bien suprême. Le riche a besoin de l'obole du pauvre. Ainsi est la vie. » Il baissa la tête et ses cheveux blancs inondèrent son front. Rennes était devenu triste à l'écouter. « Tu l'aimes donc bien ? » demanda-t-il brusquement. Rennes se redressa. « Oui, mon père, » dit-elle d'une voix grave et lente. « Et lui ? » Mon père, il m'aime assez pour renoncer à moi si je lui dis « Monsieur Hugh de Morvert a besoin de sa fille et la veut garder. » Elle n'acheva pas, parce que le vieillard l'étouffait en un baiser passionné. « Folle, folle, » disait-il. « Oh, le cher cœur, oh, la bonne fille qui aime bien son père. écoute les paroles d'un fiévreux. Je rêve, tu vois bien, je rêve. Ce qu'il me faut, ma reine, c'est ton bonheur, c'est le sourire à ta lèvre rose. Écoute, la vieillesse n'est si malheureuse que par son égoïsme ombrageux. Nous ne gagnons rien, disais-je, ingrat et insensé. Ce fils Aubry qui va venir remplacer mes fils décédés n'est-ce rien ? Et ces beaux anges blonds qui ressembleront à leur mère, les enfants de ma reine, mes petits-enfants, mes jolis amours. Reine cacha dans son sein son front rougissant. Il lui prit la tête à pleine main et la baisa. « Dieu est bon, dit-il en extase, ce sont de beaux jours qui me restent. » À ce moment, les planches qui fermaient la tour tombèrent en dedans. « Le chevalier Méloir avec un moine !» cria Julien le Priol essoufflé. « Le chevalier Méloir !» répéta Morvert, qui s'élança vers la meurtrière. On se souvient qu'Aubry avait endossé l'armure de l'ancien porte-bannière de Bretagne. « Noir et argent !» murmura le vieux seigneur après avoir regardé. « Ce sont bien ses couleurs !» Julien posa un carreau sur son arbalète. « Je ne manque guère mon coup, messire, dit-il en épaulant son arme, et j'attends vos ordres. » Chapitre 24. 10 gestes de frère Bruno. Heureusement, Reine avait de bons yeux. Elle abattit vivement de sa blanche main l'arbalète de Julien le Priol, qui cherchait déjà son point de mire. « Ce n'est pas le chevalier Méloir, dit-elle. « Et qui est-ce donc, notre demoiselle ?»« C'est Aubry de Kergariou. »« Déjà ?» murmura Morvert. Julien sourit, débanda son arbalète et sortit. « Si j'étais seulement gentilhomme, pensait-il en regagnant l'abri de sa famille, je voudrais qu'elle ne reconnût personne d'aussi loin que cela. » Il soupira un petit peu, et ce fut tout, car Julien était un vaillant gars dont la pensée pouvait se montrer tout entière. L'instant d'après, Aubry entrait dans la tour. Morvert lui tendit les bras et l'appela son fils. Reine lui donna sa main. Il fallut savoir l'histoire de ce déguisement. Aubry s'assit entre sa fiancée et son père. Cet instant-là compensait toutes les heures cruelles passées dans la cage de pierre. « Mes fils, disait cependant Bruno aux émigrés du village de Saint-Jean, nous avons vu vos maisons brûler du haut de la plateforme, ici près, au monastère. Moi qui étais soldat avant d'être moine, je connais cela. Si vous avez un verre de cidre, je boirai à votre santé bien volontiers, mes fils, car tout le long du chemin, messire Aubry m'a forcé de lui conter des histoires. » Jeannin lui emplit une écuelle. « Toi, reprit Bruno, en caressant la joue du petit coquetier, tu ressembles comme deux gouttes d'eau au Saint-Jean-Baptiste de l'église de Tintaignac, mon pays natal, et je vais te conter une histoire qui te fera grand plaisir. Si vous avez été soldat, comme vous le dites, repartit Jeannin, mieux vaudrait nous aider dans nos travaux. « Bien parlé, mon neveu !» s'écria Bruno, comme disait Malétroit, mon capitaine, qui eut le bras coupé par un boulet de pierre au bas de Becherel, en l'an 31. « Quant à vous aider, ce sera de bon cœur. Je suis ici pour cela, ne pouvant rentrer au monastère sans une immunité du prieur claustral. Voyons votre besogne. » Il rejeta son froc en arrière et retroussa ses manches en homme de vert travail. Jeannin, Julien, quelques Mathurins et les Josons lui montrèrent le commencement d'enceinte. Frère Bruno approuva le tracé et se mit immédiatement à l'œuvre. Dans la courtine étaient Simon le Priol, sa femme, Simonette, toutes les Gothons et autres catiches, scolastiques préparaient le repas commun. On était triste en cet endroit-là. Simonette avait la larme à l'œil, parce que le petit Jeannin, étant devenu un homme de guerre, ne s'occupait plus d'elle autant qu'elle l'aurait voulu. Les choses étaient bien changées, rien que depuis l'avant-veille, jour de la Saint-Jean. Ce soir-là, souvenez-vous-en, le petit Jeannin avait ses pieds nus dans les cendres, si humblement, et pour une fois qu'il osa prendre la parole, on le fit taire. Mais il avait été pendu depuis lors, et cela forme un jeune homme. Son importance grandissait à vue d'œil. Les Gothons le regardaient, les Mathurins le jalousaient. On prétendait que deux Susans, dont nous n'avons point parlé encore à cause de l'abondance des matières, l'avaient effrontément demandé en mariage. C'était un personnage. « Peau de mouton, mon joli blondin, lui dit frère Bruno, je me fais maître maçon et je te prends pour ma coterie. » À ce coup, Jeannin se redressa, sa position était désormais officielle. Il jeta un regard vers la courtine où les femmes étaient rassemblées et prit le pas sur tous les Mathurins. « Je ferai de mon mieux, frère Bruno, répliqua-t-il avec une orgueilleuse modestie. « Apporte-moi cette roche, mon garçonnet. reprit le moine en montrant une pierre presque aussi grosse que Jeannin. Jeannin s'y prit vaillamment, mais son effort n'ébranla pas même la roche. Les Mathurins se mirent à rire. « Vous criez, dit le moine, mettez-vous quatre et faites ce que le blondin n'a pu faire. » Les Mathurins suèrent sang et eau, la pierre ne bougea pas. « Oh oh ! » s'écria le frère Bruno. « On dit que les gars du marais ont des mains de beurre. Voyez ce que vaut la moitié d'un moine. » Il saisit la roche et la porta, l'espace de 10 pas, jusqu'à l'enceinte improvisée. Tout en la portant, il disait « Personne de vous n'a connu Robin de Ploermel, qui écrasa la queue du diable ? Je vous réciterai sa légende au souper. À présent, travaillons, mes mignons, car nous aurons du nouveau cette nuit. » Les Mathurins le contemplaient avec admiration. Frère Bruno leur assigna leur poste de travail et entonna la ronde du pays de Vannes. La beauté, de quoi sert-elle? Légèrement, belle hirondelle, légèrement. Et serre à porter en terre, légèrement, blanche bergère, légèrement. Il chantait cela, le frère Bruno, d'une belle voix de vêpres, sur un de ces airs tristes et bizarrement rythmés que l'on ne trouve qu'en Bretagne. C'était de la gaieté, mais de la gaieté bretonne, qui donne aux noces même une bonne couleur d'enterrement. Les gars se prirent à travailler en mesure comme les matelots au cabestan. La besogne allait, le moine chantait. « As-tu la chanson nouvelle, légèrement, belle hirondelle, légèrement ? La chanson du cimetière, légèrement, blanche bergère, légèrement ?» La fable d'Orphée se renouvelait, les pierres dansaient au son de cette musique. Les gars se démenaient. « Oh là, les filles ! Cria le frère Bruno. « Je ne peux pas tout faire, moi. Venez donc chanter pendant que nous peinons. » Les filles qui s'ennuyaient toutes seules ne demandaient pas mieux. Le troisième couplet, un peu plus lugubre que les deux premiers, s'entonna en chœur, bien joyeusement. Le quatrième, où « bière » rime avec « bergère », fut chanté en sautant. Au cinquième, on ne se sentait plus d'allégresse. Au sixième, les Gothons, les Catiches, la Scolastique, les Susons, Simon le Priol et sa grave ménagère elle-même remuaient la terre en gavotant comme des bienheureux. L'enceinte s'élevait. Quand le vieux Morvert, Aubry et Rennes sortirent de la tour, ils étaient dans une véritable forteresse. Le frère Bruno s'approcha respectueusement de Monsieur U. « Que Dieu vous bénisse, mon bon seigneur, dit-il. Et la jolie demoiselle, et même Messire Aubry, mon ami, qui m'a planté là en pleine grève, quoique je prisse la peine de lui raconter une histoire ou deux pour abréger le chemin. Je viens ici dérouiller mes pauvres bras qui s'engourdissaient là-haut. Mais si le prieur s'aperçoit de votre fuite, répliqua Monsieur U, il enverra ses hommes d'armes après vous. Quel prieur? Il faut distinguer. Le prieur claustral, je ne dis pas, mais il ne s'occupe pas du dehors. Quant au prieur des moines, il a porté l'armure comme moi, et la main lui démange trop souvent pour qu'il ne comprenne point mon cas. D'ailleurs, je n'ai point prononcé de vœux, mon bon seigneur, et à mon retour, je n'aurai que la discipline simple qui est donnée par frère Eustache, mon compère. Le vieux Morvert fronça le sourcil. Je n'aime pas qu'on plaisante même innocemment des choses de la religion, mon frère, dit-il avec sévérité. Bon, s'écria Bruno désespéré. Voilà qu'on va me renvoyer avant la bagarre. J'aurai la discipline tout de même, et je ne me serai point battu. Mon bon seigneur, ayez pitié de moi. « Père, murmura la douce voix de Rennes, il a aidé Aubry à se sauver. » « Et j'ai donné 3 tours de clé sur ce coquin de Méloir, » ajouta Bruno. « Saint patron, mon seigneur, si vous aviez vu sa figure. » « C'est un excellent homme, » dit Aubry à son tour. « Sans lui, les jours de ma captivité auraient été bien durs. » « Oui, oui !» s'écria Bruno. « Je lui ai conté de fières histoires au jeune seigneur. » « Et tenez, » interrompit-il en prenant sans façon Monsieur U par la manche, « ce frère Eustache, dont je vous parlais, a eu, avant d'entrer en religion vers l'an 33, au mois d'avril, une bien gaillarde aventure dans la ville de Guichen, entre Rennes et Redon. Il venait de vendre des poules au marché de guerre, car il tenait une métairie pour la douairière de la Bourdonnais, là-bas, sous Pont-Réan. Il était à cheval, jambes de ci, jambes de là, sur son bas, et il allait chantant « Dansons la litra, litra, liloré, dansons la litra, litra, lilanla. » Vous savez, la litra se danse à reculons, en se tapant les talons devant derrière. Et j'ai connu au bourg de Bain un tailleur de cercles en châtaignier pour les fûts, poinçons et barriques, qu'on venait voir danser la litra de 10 lieues à la ronde. Il était borgne d'un œil et se nommait Pelloaluin. Sa sœur Mateline piquait la toile à voile à la Roche-Bernard et fut mariée à Juillon le Guénec, qu'on appelait le Bancal, à cause de ses jambes qu'il avait de travers. « Ce Pelloaluin, mais c'est du frère Eustache que je veux vous entretenir, mon bon seigneur. Que vous disais-je ? » murmura Aubry à l'oreille de Monsieur U. Le vieillard se prit à sourire. Il paraît qu'Aubry lui avait déjà parlé du digne frère Bruno et de ses histoires. « Donc, reprit ce dernier, frère Eustache était alors un jeune gars, éveillé comme un ver luisant. « Assez, frère Bruno, interrompit Monsieur U. Le pauvre moine s'arrêta court. « Aurais-je offensé mon bon seigneur ? » balbutia-t-il. « Assez, vous dis-je, je vous permets de rester ici avec nous. » Bruno frappa ses mains l'une contre l'autre et poussa un long cri de joie. « Mais à une condition, ajouta Morvert. « Laquelle, monseigneur, laquelle ? C'est que pendant votre séjour, vous ne raconterez pas une seule histoire. « Ah ! S'écria le moine en riant de tout son cœur. « Voilà par exemple qui n'est pas difficile. Croyez-vous que je sois un bavard, seigneur Dieu ? Cela me rappelle une aventure qui m'arriva en l'an 44, dans une auberge de la Guerche. Nous étions trois, mon cousin Jean, Michel Legris et moi. Je dis à Michel Legris, « Michel, mon fils, as-tu oui conté l'aventure du gruyer juré de Lamballe qui, il fut interrompu par un éclat de rire que poussa en cœur toute l'assistance. Pourquoi riait-on, frère Bruno ne le devina point. « Si vous aviez entendu un petit peu, dit-il, c'est mon histoire qui vous aurait fait rire. » Le chevalier Méloir, enfermé dans la prison d'Aubry, supporta d'abord assez gaiement son infortune. Il était philosophe. Le pis-aller, c'était quelques heures passées dans ce fâcheux état. Mais les heures se succédaient et la philosophie du chevalier Méloir s'usait. Il était environ 10 heures du matin quand Aubry lui avait emprunté de force son costume. Midi sonna au beffroi du monastère, puis 1 heure, puis 2 heures, puis 3. Sarpebleu, le chevalier Méloir perdait patience. S'il n'avait pas eu ce diable de baillon, il aurait appelé, mais son baillon était très bien attaché. Ses jambes seules étaient libres, il s'en servit d'abord pour arpenter son cachot étroit à grands pas, puis pour lancer des coups furieux dans le chêne de la porte. Mais c'est bien le moins que les prisonniers aient le droit de passer leur mauvaise humeur sur les portes ou les murs de leur cabanon. Des coups de pied du chevalier Méloir, personne ne s'inquiétait. Vers 4 heures de l'après-midi, une clé tourna pourtant dans la serrure. « Eh bien, Bruno, dit une voix sur le seuil, est-ce toi qui fais tout ce tapage ? Pourquoi tes clés sont-elles au dehors ? Mais Bruno n'est pas là, où est-il ? » Le malheureux Méloir n'avait garde de répondre. Il se mit au devant du nouveau venu, qui était frère Eustache et qui pensa, Bruno a lié les mains du prisonnier avec une corde et lui a mis un baillon sur la bouche. C'est peut-être parce qu'il est enragé. Méloir poussait des sons inarticulés sous son baillon. « Bien sûr qu'il est enragé, reprit Eustache. Je voudrais bien savoir ce qu'il a fait du pauvre Bruno. » Eustache était partagé entre l'envie de faire retraite et le désir de savoir. La curiosité finit par l'emporter. Il s'approcha de Méloir et lui dit « Ne me mordez pas à l'homme, ou je vous assomme avec mon trousseau de clés. » Cette précaution oratoire une fois prise, il détacha le baillon du chevalier. « Votre Bruno !» s'écria aussitôt Méloir, qui écumait de rage. « Votre Bruno est un coquin. Vous aussi, et tous ceux qui habitent ce monastère maudit. Jour de Dieu, nous verrons si Monseigneur François de Bretagne ne tirera point vengeance de cette indignité. »« Mais sire, » dit Eustache étonné, « N'est-ce point Monseigneur François de Bretagne qui vous fait détenir en cette prison ?» Méloir le poussa violemment au lieu de répondre, monta les escaliers 4 à 4 et força l'entrée du réfectoire où le procureur de l'abbé dînait au milieu de ses moines. Méloir montra ses mains liées et demanda raison au nom du duc de Bretagne. Guillaume Robert le regarda en face. « Je vous ai déjà vu dans le cœur de la basilique, messire, » dit-il froidement. Le jour où le fratricide fut confondu devant Dieu et devant les hommes. « Le fratricide ? » répéta Méloir qui recula stupéfait. « Est-ce de Monseigneur François que vous parlez ainsi ?» Guillaume Robert ne répondit point. « Déliez les mains de cet homme, » dit-il. « Si le village qu'il a incendié hier était de Normandie au lieu d'être de Bretagne, je fais serment qu'il ne sortirait pas vivant du monastère de Saint-Michel. » « Un village incendié ? » balbutia Méloir. « Va-t'en, lui dit encore le procureur. Ton duc a le pied droit dans la tombe. Je prie Dieu qu'il lui inspire des sentiments de pénitence. » Il faut en effet que Monseigneur François de Bretagne soit aux trois quarts mort, et un peu plus, pour que ce moine parle de lui en ces termes, pensa Méloir. J'ai gâté ma partie, le diable soit de moi. En arrivant dans la cour, il trouva ses hommes d'armes qui l'attendaient. Comme il allait passer la porte, son regard tomba sur deux ou trois douzaines de pauvres heurs qui recevaient des aumônes de vivres sous la tour. Parmi eux, il reconnut Maître Guéfès, lequel faisait bois de toutes flèches et empochait bravement le pain de Dieu. « Viens avec moi, » lui dit Méloir. Vincent Guéfès s'inclina et obéit. Méloir lui fit donner un cheval. On prit au galop la route du manoir de Saint-Jean. Pendant la route, Guéfès dit bien des fois à Méloir, « Mon cher Seigneur m'a ordonné de le suivre, pourquoi ?» Méloir ne répondait pas et restait enfoncé dans sa sombre rêverie. Arrivé en terre ferme, il se tourna brusquement vers Guéfès. « C'est toi qui as mis le feu au village ? » dit-il. « Non, messire, ce sont vos braves soldats. »« Ce doit être toi. Tu ne seras pas puni si tu me dis où est Morvert. » »« Je dirai à mon cher seigneur où est Morvert, » répondit Guéfès avec assurance, « à condition qu'on me donnera, premièrement, 100 écus d'or, deuxièmement, la tête de ce petit malheureux Jeannin le coquetier, troisièmement, la fille de Simon le Priol, Simonette, dont je prétends me venger quand elle sera ma femme. » Fin de la section 8.